J'arrêterai de niquer tes mères, la CBR plus marre de mes adversaires, leur Uber est une ambulance. Oji, Oji, Oji, Oji, dame sous lueur, Oji, Oji, Kobe. Mais pas la langue, je veux pas le Covid. J'ai tout niqué, pourquoi t'applaudis? Petit, je n'ai pas eu besoin d'appartenance, j'ai besoin de faire du chiffre. Mes meilleurs amis sont mes appartements, je meurs, ils seront là pour mon fils.